Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est une des premières dames de la 5e République que Franck Ferrand a choisi d'évoquer aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. En juillet prochain, cela fera 10 ans déjà que Claude Pompidou nous a quittés. Malgré la brièveté du mandat de son mari, interrompu, vous le savez, par la maladie et la mort, on peut dire que Madame Pompidou aura marqué les Français par son naturel, par sa modernité, ainsi que plus tard par son engagement dans l'art contemporain. Nous en parlerons bien sûr. Et deux nos invités nous ont rejoints pour évoquer Claude Pompidou. Oui, je suis heureux qu'Alain Pompidou ait pu être des nôtres pour évoquer sa mère, et nous recevrons aussi un habitué de l'émission, Guillaume Perrault, pour qui la vie politique contemporaine n'a aucun secret. Et à partir de 15h, dans la nouvelle partie de l'émission consacrée au patrimoine, vous lancerez un nouvel appel à nos auditeurs. Et oui, alors nous avons lancé un appel aux auditeurs lundi pour aider à sauver la maison de Pierre Loti à Rochefort. J'espère que vous ne l'avez pas oublié, que vous êtes présents et nombreux pour aider les Rochefortais. Eh bien, il faut aujourd'hui que nous nous mobilisions pour restaurer la salle ovale de la Bibliothèque nationale rue de Richelieu, sur le site historique de l'ABN. Deux autres invités nous rejoindront donc pour la circonstance, la présidente de la Bibliothèque nationale de France et la directrice du département des manuscrits. Et vous pouvez déjà nous envoyer vos questions, vos remarques, vos souvenirs à propos de la Bibliothèque nationale sur Twitter et Facebook. Oui, moi je peux vous dire que si j'étais auditeur, j'en posterais des messages aujourd'hui. J'ai tellement de souvenirs dans ces lieux magiques. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Juin 1969 au palais de l'Élysée. En cette fin d'après-midi, alors que la longue journée d'investiture avec toutes ces cérémonies officielles est en train de prendre fin pour Georges Pompidou, une séance de photographie est organisée dans le parc, dans ce parc de l'Élysée qui se trouve en bordure des Champs-Élysées. Le nouveau président de la République pose aux côtés d'une grande dame élancée, vêtue d'un manteau blanc très élégant, des lignes épurées, signée Coco Chanel. Entre prestance et timidité, entre spontanéité et maîtrise, Claude Pompidou, désormais première dame, impose déjà son style. Un style nouveau, résolument moderne, en somme, ce qu'on va bientôt appeler le style Pompidou, et qu'on devrait plutôt appeler d'ailleurs le style Claude Pompidou. C'est quand même une incroyable destinée pour cette fille d'un médecin de province qui était née à Château-Gontier en 1912. Elle est née Claude Caour. Claude a perdu sa mère alors qu'elle n'avait pas 7 ans. Elle a été élevée dans une atmosphère tout à fait comme il faut, atmosphère religieuse, aux côtés d'un père assez original qui sait se montrer colérique, voire tyrannique. Elle s'est ainsi forgée un caractère d'acier et très tôt, elle va faire preuve, disons-le, d'une ouverture incroyable sur le monde. Rappelez-vous l'époque où nous sommes. Lorsque Claude a 17 ans, nous sommes en 1929. Eh bien, elle arrive à intégrer une classe de garçons pour pouvoir passer son bac, son bachot, comme on disait à l'époque, son baccalauréat, qu'elle réussit avec brio. L'année suivante, à 18 ans, son permis en poche. Alors, à l'époque, le permis de conduire, c'était pas grand-chose, vous me direz. Ça n'avait rien à voir avec l'espèce de parcours du combattant actuel. Elle s'assied au volant de sa première voiture, rappelez-vous encore l'époque, et on peut dire que la vitesse grise Claude et qu'elle l'exalte. Et puis on la voit avec cette silhouette élancée qu'on va bientôt reconnaître et ses yeux bleus perçants, souvent vêtue d'un pantalon, parfois même une cigarette à la bouche, vous imaginez dans cette époque, on la voit dans le quartier du Panthéon où elle est inscrite à la faculté de droit. C'est là, en plein quartier latin, au cinéma Saint-Michel, si l'on veut être très précis, qu'elle va faire la rencontre qui va changer son existence, celle d'un beau et brillant jeune homme, un certain Georges Pompidou, bien sûr. Lorsque la lumière se rallume dans la salle de cinéma, les deux regards se croisent, quelque chose doit se passer. Georges dira des années plus tard « De ce jour, nous n'avons cessé de nous aimer sans partage ». Pendant plusieurs années, le jeune couple va mener une vie agréable à Marseille, où Georges, qui est normalien, agrégé de lettres, est enseignant. Tout semble laisser croire que Claude Pompidou est destiné à mener la vie tranquille, la vie rangée d'une épouse de professeur, si vous voulez. Un milieu très intéressant, très cultivé. C'est dans ce milieu que va naître un charmant petit garçon, adopté en 1942 plus exactement, Alain. Mais Tout ça est sans compter sur l'ascension sociale vertigineuse que vont connaître les Pompidou à la Libération. Ça commence par une rencontre avec le général de Gaulle, devant lequel Georges est littéralement béat d'admiration. Ils sont nombreux, ceux qui, à la Libération, admirent le général de Gaulle, évidemment, mais les relations entre ces deux hommes sont tout de suite des relations assez confiantes et assez approfondies. Ça, c'est intéressant. Nous y reviendrons tout à l'heure, bien entendu. En 1953, on est en pleine traversée du désert pour le général de Gaulle. Georges devient banquier à la banque Rothschild. Entre dîner chez le général, fête chez les Rothschild, et à Saint-Tropez, gala de bienfaisance, général au théâtre, etc. On peut dire que c'est la belle vie chez les Pompidou, qui font désormais partie de ce qu'on appelle, vous savez, le tout Paris, de ce qu'on appelait surtout. Parce que c'est en train de, ça fait partie, oui, ça des choses qui se perdent, plus, le, oui, tout Paris, oui. Claude, avec sa distinction naturelle, s'adapte à merveille à cette nouvelle vie bourgeoise et mondaine. Mais en mars 1962, elle comprend que les choses ne seront plus jamais comme avant. Ce qu'elle redoutait, parce qu'elle le dira et elle l'écrira, elle redoutait cela, finit par se produire. Le général de Gaulle a convoqué Georges Pompidou et il lui demande de devenir, en remplacement de Michel Debré, son premier ministre. Alain Pompidou, à l'époque, a une vingtaine d'années. Il se souvient d'un échange marquant entre son père et sa mère. « Le soir, j'assiste à la maison à un débat nourri, presque houleux, nous dit-il. Nous sommes dans le salon du quai de Béthune, où un soleil de printemps tarde à se coucher. Mon père annonce « Le général m'a fait part de son intention de me confier le poste de premier ministre. » La vérité que Claude ne voulait pas entendre tombe comme un couperet. Elle devient blême. Georges allait très tiré par la fatigue des derniers jours, pris entre deux ambitions. Ma mère reste sans voix, comme pétrifiée par ce qu'elle pressent. C'est sur un ton ferme et décidé que Georges lance à Claude « On ne peut rien refuser au général ». L'argument est sans appel. Georges Pompidou suit son destin comme dans la tragédie classique. Il faut vous dire que Claude n'a jamais aimé la politique, qu'elle s'en est toujours méfiée et que, vite, les craintes qu'elle a pu former contre la carrière de plus en plus publique de son mari vont prendre consistance. « Je fus vite édifié, dira-t-elle, ce n'était que jalousie et mensonges, petites intrigues, querelles d'intérêts personnels. » Bref, la politique dans son exercice quotidien. Toutefois, on peut dire que cette nouvelle aventure que va vivre le couple Pompidou intéresse Claude, bien entendu. Elle est là, aux côtés de son mari. Elle endosse avec un sens certain du devoir, elle endosse le nouveau statut qui est le sien. Et très vite, on va voir Matignon se moderniser. Dès l'installation des Pompidou, Claude va faire décrocher du bureau de son mari un certain nombre de portraits qui dataient du XVIIIe siècle. Portraits de Richard... Enfin, il ne datait peut-être pas, mais il avait été installé par le Mobilier National, en tout cas, portrait de Richelieu, de Colbert, etc. Et on voit arriver un braque. Ah oui, c'est autre un chose. Grand et somptueux Soulage en dégradé de noir. À Matignon, on organise aussi des séances de cinéma maintenant deux fois par mois, les lundis et jeudis, et quelques fois dans la semaine, Georges parvient à s'échapper à l'heure du déjeuner pour faire le tour d'un certain nombre de galeries d'art avec son épouse. Presque tous les samedis à 13h, Claude vient chercher Georges devant Matignon, dans la Porsche blanche décapotable que son mari lui a offerte, et les voilà qui partent pour Orvilliers. On en reparlera tout à l'heure d'Orvilliers. Jusque-là, on peut dire que Claude Pompidou parvient à continuer de mener, bon an, mal an, à continuer de mener la vie qu'elle aime, jusque-là. Parce que bientôt, les Pompidou vont être victimes d'un terrible scandale. Ce scandale va avoir des répercussions considérables, non seulement sur leur vie, évidemment, vous allez voir dans quelle proportion, mais d'une façon plus générale sur l'évolution du régime et sur les débuts de cette Ve République. Nous y venons dans un instant. On peut dire que, pour Claude Pompidou, le temps des années heureuses, hélas, est révolu. Thank you. extrait de la valse minute de Chopin sur Europe 1. Franck Ferrand vous emmène cet après-midi au cœur du destin de Claude Pompidou. Vous le savez, cette émission, c'est aussi la vôtre. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos souvenirs, vos réactions à cette émission sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez la destinée singulière de Claude Pompidou. Alors, nous sommes en 1969, son mari devient président de la République. Mais il y a quand même une question que je me pose. Je voulais savoir quelles étaient les relations entre Claude Pompidou et l'ancienne première dame Yvonne de Gaulle. Alors, c'était des relations qui ont été bonnes à une époque et qui sont devenues moins bonnes à cause de ce scandale extraordinaire dont je vous parlais, qui survient pendant l'année 1968. Vous savez, il y a une chose, il y a bien sûr mai 68, la société est en train de se rassurer, si je puis dire, en voyant que les choses reviennent à la normale. Et là, éclate, en octobre 1968, ce qui va être l'un des plus grands scandales de la Ve République. On découvre dans une décharge publique à Hélincourt, on est dans les Yvelines, le cadavre d'un certain Stéphane Markovitch, qui est un employé d'Alain Delon. Alors vous imaginez, immédiatement ça intéresse beaucoup les médias. Bien sûr, Alain Delon est en train de tourner la piscine dans le sud de la France à l'époque. Il se dégage complètement de cette histoire, mais ça intéresse les journalistes. On commence à murmurer dans les rédactions. Le Figaro va bientôt publier une lettre anonyme, entre parenthèses, c'est quand même assez étonnant ça. Markovitch avait de nombreuses relations dans les milieux de la politique, du spectacle et de la chanson, dit cette lettre. C'est ainsi qu'on évoque le nom de plusieurs actrices chanteuses, de la femme d'un ancien membre du gouvernement et ceux d'un député, de deux hauts fonctionnaires, de plusieurs vedettes, etc. Et peu à peu, dans les rédactions, va se mettre à circuler le nom de Claude Pompidou, qui aurait été impliqué dans cette affaire de photos compromettantes, bref, de chantage, etc. Vous imaginez l'impact. Alors, ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'au plus haut sommet de l'État, on s'émeut beaucoup, bien entendu. Quand le général de Gaulle apprend ça, c'est Bernard Tricot qui lui annonce la nouvelle. Il dit « Mais qu'est-ce que vous venez me chanter avec ce tissu de stupidité ? Qui est au courant d'abord » dit-il. Et on est obligé de lui dire que le Premier ministre, c'est-à-dire Georges Pompidou, le premier concerné par cette affaire, n'a même pas été prévenu. On n'a pas songé à le prévenir. Lorsqu'il est au courant, vous imaginez que Georges Pompidou réagit. Il confie à Marie-France Garraud, qui est une ancienne du cabinet de Jean Foyer à la chancellerie, tous les aspects juridiques de l'affaire. À Michel Jobert, les développements politiques très importants. Et puis à Simone Servet, qui est sa collaboratrice fidèle, les questions de communication, la gestion des journalistes. Et l'on va voir Claude Pompidou devoir continuer à sortir, à visiter des galeries, aller à des dîners, etc., où elle doit faire bonne figure. Et lorsqu'elle rentre chez elle, bien entendu, elle fond en larmes. Ça a été vraiment quelque chose de terrible. Bien sûr que tout ça a été clarifié par la suite, mais l'affaire Markovitch elle-même n'a jamais été vraiment élucidée. Je cite à ce propos Frédéric Valoir qui nous dit « Le dossier Markovitch ne sera refermé qu'en janvier 1976. » Il faut vous dire qu'une fois élu président de la République, Georges Pompidou a nommé Alexandre de Maranche à la tête des services spéciaux. Un ancien Alexandre de Maranche avait été aide de camp du maréchal Juin au moment de la libération. Il va faire un grand ménage chez les Barbouzes, si je puis dire. Et il a nettoyé, comme on disait, la piscine. C'était l'expression qu'on employait pour désigner la DGSE de l'époque. Le SDEC, comme on disait d'ailleurs. Mais néanmoins, cette affaire va traîner. Ça finit par la mise hors de cause de Marc Anthony et de Delon. Mais il y a quand même eu 5000 procès-verbaux, des centaines de commissions rogatoires, une enquête menée dans 52 pays, avec en parallèle des missions d'agents, des services secrets. Mais on ignore toujours où, quand, comment et par qui, sinon pourquoi, ce Yougoslave avait été tué, nous dit Frédéric Valoir. C'est une affaire qui a beaucoup secoué le monde politique de l'époque et qui a profondément marqué Claude Pompidou, qui s'est senti tellement injustement sali par cette affaire. Et alors, vous me parliez des relations avec Madame de Gaulle et avec les de Gaulle d'une façon générale. Je crois que Georges Pompidou, et nous poserons tout à l'heure la question à Alain Pompidou bien sûr, mais a été marqué et frappé par le manque de solidarité d'une certaine façon du chef de l'État qui, tout en feignant de balayer tout ça d'un revers de la main, a quand même sans doute été dubitatif sur la question et s'est posé des questions. C'était déjà trop, si vous voulez. Alors voilà donc les Pompidou élus à l'Élysée après le fameux référendum de 1969 et le départ du général de Gaulle à la suite de son échec dans ce référendum. Le couple Pompidou visite le palais de l'Élysée alors qu'ils connaissaient bien et pour cause hein, quand on a été Premier ministre pendant tant d'années. Mais tout de même, là, ils le voient de l'intérieur, si je puis dire. Et Claude Pompidou est surprise par le caractère très vieillot de tout le, de notamment des appartements privés. Les Pompidou vont très vite transformer toute une partie de l'Élysée et la mettre au goût du jour, si je puis dire. On voit se métamorphoser la vieillelle Jules Grévy en salon contemporain, avec des murs et les sols recouverts de vélum en tissu jersey écru, des projecteurs dissimulés dans le plafond, des fauteuils, des canapés à la pointe du design, dessinés s'il vous plaît par Pierre Paulin, qui a été choisi par Claude Pompidou. Pour avoir tourné au Palais de l'Élysée il y a quelques années, je vous avoue qu'il ne reste que très peu de vestiges de ces décors-là. Tout ça a été remanié ensuite du temps du président Giscard d'Estaing. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on a quand même conservé deux salons qui sont restés dans l'esprit Paulin. Et alors, quand vous êtes au milieu des boiseries dorées de l'Élysée, de tout ce grand mobilier très officiel du garde-meuble, et que d'un seul coup vous passez dans les décors de Paulin, je vous assure que ça fait un choc, c'est assez étonnant. Les tableaux du 18e sont donc remplacés par des toiles de Fautrier, Ernst, Herbin, Poliakov, Bram van Velde, Hans Hartung, vous imaginez. On voit trôner dans l'aile Grévy de Kupka, un Robert Delaunay, qui entoure quatre magnifiques planches de Matisse extraites de jazz. Tout ça est quand même assez étonnant. Et l'on voit le soir, parce qu'évidemment le président a d'autres choses à fouetter pendant la journée, mais on voit Georges Pompidou rejoindre Claude le soir pour faire des essais de meubles, des essais de tableaux, etc. Évidemment, les photographes, voire les cadreurs de la télévision sont là pour suivre cette espèce de révolution qui accompagne une révolution bien plus profonde dans l'ensemble de la société française. C'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir enfin un président et son épouse qui sont en adéquation avec les goûts de leur époque. Il est vrai que l'influence de Madame Pompidou sur son mari dans ce domaine de la création ne peut pas être niée, non seulement en raison de ses goûts, mais aussi des relations étroites qu'elle entretient avec un certain nombre d'artistes. Vous savez qu'elle est proche du compositeur Pierre Boulez, qu'elle se passionne pour la création musicale, elle est proche, vous l'aurez compris, de Pierre Soulages, mais aussi du chorégraphe Béjart, de l'artiste Nikita Saint-Phal, etc. Elle connaît bien la grande mécène et collectionneuse Peggy Guggenheim. Bref, l'art contemporain va devoir désormais compter avec la personne et avec l'influence de Claude Pompidou. Claude Pompidou qui a rapidement recomposé la liste des invités à la réception annuelle de l'Élysée, puisqu'on verra désormais des gens comme Armand Dubuffet, Miro, Picasso, Chagall, etc., Eva Sarelli et François Lalanne et Tinguely venir à l'Élysée. Parfois, les artistes ont le privilège d'être reçus les artistes qui ont le privilège d'être reçus à l'Élysée envoient une œuvre d'ailleurs, donc ça vient enrichir les collections. Et c'est ainsi qu'un jour, une œuvre de Christo, vous savez l'artiste bulgare Christo, va être victime d'une drôle de mésaventure. La marque de fabrique de Christo, vous savez que c'est l'emballage des objets. Il avait même été jusqu'à emballer le Pont Neuf, ouais, à une époque. Ouais, c'est vrai. Et bien un jour arrive à l'Élysée une de ses œuvres qui consiste dans un emballage fait de tissus et de ficelles déposés de manière artistique. Est-ce que j'ai besoin d'aller au bout de l'anecdote? Vous voyez ce que le secrétariat de l'Élysée va faire? Ils ont déballé. Ils ont déballé, forcément. Dès la semaine de leur installation, Georges et Claude prennent la décision de réaliser deux projets qui leur sont chers, des projets novateurs et qui vont bousculer là encore les habitudes. D'abord, on va vouloir créer au cœur même de Paris une institution dédiée à la création moderne et contemporaine. Un peu dans l'esprit d'un musée imaginaire, si vous voulez, où se côtoieraient les différents arts de la peinture au théâtre, en passant par la littérature, la musique, le design, le cinéma, bien entendu. Claude s'extrait de son rôle de représentation pour s'impliquer là vraiment dans ce projet. La responsabilité de la conception du bâtiment du futur Centre Pompidou est confiée à Renzo Piano et Richard Rogers. Et lorsque Georges Pompidou découvre la maquette, il est un peu dubitatif, il faut bien le dire. Ça ressemble quand même à une raffinerie de pétrole, il faut le dire. Et Georges Pompidou dit à son épouse « Oh là là, ça va faire crier !» L'autre projet d'ampleur qui tient à cœur à Claude Pompidou, c'est la création d'une association pour personnes âgées et enfants handicapés, une fondation. C'est lors d'une visite à New York que la première dame a été marquée par la modernité du système de bénévolat américain. Elle se dit qu'on pourrait importer ce système en France, où la tradition étatique est beaucoup plus forte, bien sûr. C'est ainsi qu'en 1970 est créée la fondation Claude Pompidou, fondation tout à fait avant-gardiste. Georges Pompidou demande à Jacques Chirac de devenir trésorier de cette fondation avec ces mots. Vous comprenez, je ne veux pas que les gens croient que ma femme ne s'intéresse qu'à ses robes. Et il faut dire que les robes de Claude Pompidou font beaucoup jaser, évidemment, puisque elle fait preuve d'un certain avant-gardisme. Ça change beaucoup de la mode version Yvonne de Gaulle. La fondation permet en partie de contrer certaines critiques parce que la presse peut se montrer sévère, comme le montrent un certain nombre de titres du Canard Enchaîné qui parlent de la reine Claude, de Madame de Pompidour, si vous me voyez, ce que je veux dire. On la surnomme aussi la régente Bibiche. Bibiche parce que les Français ont appris par un petit reportage télévisé que c'était le surnom que le président donnait à son épouse en privé. Je me permets de vous rappeler qu'à la même époque, la star absolue du cinéma français s'appelle Louis de Funès et que lui aussi appelle ses épouses de cinéma Bibiche. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, grâce à vous Franck, nous sommes au cœur de l'histoire de Claude Pompidou. Alors on l'a vu avec son mari, elle forme un couple très populaire. On apprend dans la presse qu'il la surnomme Bibiche, la création du centre Georges Pompidou. Que va-t-il se passer maintenant pour eux? N'oubliez pas la maladie du président, qui va très vite se déclarer au tout début du mandat. Dès la fin de l'année 70, Georges Pompidou ressent des fatigues intenses. Il se sent nerveux, il a du mal à marcher parfois. Alors il s'en inquiète auprès de son médecin, et un soir de janvier 71, celui-ci lui révèle qu'il est atteint d'une maladie extrêmement rare, une forme de leucémie qui évolue lentement, la fameuse maladie de Waldenström. Alors, pendant près de 2 ans, cette maladie est relativement canalisée, de même que la souffrance que le président en ressent. Le président de la République ne laisse rien paraître, ou quasiment rien. Il continue d'avoir par ailleurs ses moments très privilégiés auprès de Claude. Ils ont toutes sortes de petits rites. En général, lorsque le président rentre chez lui, Claude lui sert un scotch avec de la glace, puis elle pose un 33 tours. Alors lui préfère Mozart, elle Bach. C'est Beethoven qui les réunit, si je puis dire. Georges s'allume une cigarette, il se détend. On a vu tout ça à la télévision, bien entendu. Ça, c'est très nouveau pour les Français à l'époque, vous imaginez. Et l'on parle de quoi chez les Pompidou? On parle d'art, on parle de, je sais pas moi, des petits Jackson Pollock qu'on vient d'acquérir, d'un monochrome d'Yves Klein. On évoque avec passion le Nicolas de Staël, les toits de Paris, que Claude a acheté sur un coup de foudre et offert à Georges quelques années plus tôt. Mais on ne peut pas faire comme si cette maladie n'existait pas. Bien entendu, le président subit des grippes à répétition, des bronchites, des infections pulmonaires en tout genre. Et le mal progresse et il faut bien sûr le traiter. D'où cette cortisone qui va peu à peu faire enfler le visage du président. Et bien sûr, ça finit par se voir. Les journalistes se posent des questions. Et puis au-delà des journalistes, bientôt, tous les Français. C'est une période très difficile, bien entendu. Georges, pour autant, ne perd pas son esprit et son humour ravageur. Lors d'un concert d'Henri Salvador, le 6 décembre 72, il s'éclipse en plaisantant « Si le travail, c'est la santé, il faut croire que je ne travaille pas beaucoup parce que je suis grippé ». Alain Pompidou nous raconte qu'au début de l'année 73, les analyses des médecins révèlent que l'origine de la maladie est inconnue, qu'il n'existe aucun traitement spécifique. Les médecins vont conseiller à Alain de ne rien dire à sa mère pour ne pas trop l'inquiéter, de la rassurer même en lui disant que la maladie est contrôlée d'une certaine manière. Alain Pompidou se souvient, un jour, le taux des plaquettes sanguines est si bas, après une période tendue et éprouvante, que mon père manifeste son inquiétude et s'assied devant moi, effondré. « Je suis foutu », s'écrie-t-il. « Je réponds que le traitement va le remettre sur pied rapidement. » C'est ce qu'il voulait entendre. Le président continue donc ses activités. Vous imaginez ce que c'est que le fait de devoir assumer les responsabilités d'un chef d'État et qui plus est du président de la Ve République lorsqu'on est malade. On le connaîtra par la suite avec le président Mitterrand, bien entendu. Le président Pompidou fait face. Il tente d'oublier la douleur. Il ne se plaint pas. Il ne laisse rien paraître officiellement. Claude n'est pas entièrement dupe, même si elle n'est pas au courant de tout. Il n'empêche qu'elle ne veut pas vraiment voir la réalité en face. Elle continue de jouer son rôle officiel. Elle continue d'inaugurer toutes sortes d'expositions, de continuer cette vie sociale très, très, très active. Et un soir, Claude demande à son fils, il ne faut rien me cacher, j'ai besoin de savoir. Et là, pour Alain, il est impossible de dévoiler la terrible vérité à sa mère. Il tient la promesse qu'il a faite au médecin, il répond, tu peux compter sur moi. Nous allons, bien sûr, dans un instant, demander à Alain Pompidou comment tout ça a pu se passer. En mars 1974, pour la première fois, le président est obligé de se confier à ses ministres. À l'heure actuelle, dit-il, ma vie n'est pas agréable, ni physiquement, ni moralement. Je voudrais que les ministres comprennent que je ne suis pas tous les jours heureux. Cela n'a rien de dramatique, ça finira. Mais quand même, on commence à s'inquiéter. Vous connaissez le monde politique. On commence à s'interroger sur un successeur éventuel. Pompidou refuse de désigner qui que ce soit. Mais vous imaginez que les ambitions vont commencer à se déchaîner. Dans ce contexte tendu, les Pompidou se rendent à Orvilliers pour changer d'air le week-end du 29 mars 1974. Le dimanche soir, la souffrance du président se fait vraiment de plus en plus pressante. La nuit, elle le tourmente tellement que Claude est obligé d'aller dormir dans une autre chambre. Et au lendemain matin, au petit déjeuner, Georges n'est pas là. Il est resté cloué au lit avec une fièvre terrible. Le médecin arrive d'urgence. Une septicémie qui résiste aux antibiotiques s'est déclarée dans la nuit. On revient donc à Paris où une surveillance étroite est mise en place. La fièvre persiste et la douleur devient de plus en plus insupportable pour le président. Et Claude est là, bien sûr, qui veille nuit et jour, qui ne dort plus. Georges ne va essayer, en quelque sorte, de ne pas perdre la face. Il masque son désespoir. Et le 2 avril 1974, il esquisse un sourire avant de s'endormir. Et quelques heures plus tard, il va perdre définitivement conscience. Le lendemain, Claude Pompidou reçoit une lettre de condoléance qui est signée de Madame de Gaulle. Pour répondre un peu tardivement à votre question, Anissa. Je savais votre mari très malade, mais le voyant poursuivre sa tâche courageusement, on ne s'attendait pas à le voir nous quitter déjà, dit l'ancienne première dame. Cette attention va toucher Claude, évidemment. Pendant plusieurs jours, elle est totalement, elle qui ne connaissait pas l'ampleur de la maladie, elle est comme pétrifiée, foudroyée par la douleur. J'étais comme si une bombe m'était tombée sur la tête, dira-t-elle plus tard. Pendant près de 2 mois, elle se retire entièrement du monde et puis, poussée par son sens du devoir, elle va parvenir à mobiliser de nouveau son énergie, en particulier pour sa fameuse fondation. La fondation m'a sauvée lorsque mon mari a disparu, dira-t-elle en 1989 au micro de Jacques Chancel. Surtout, grâce à l'aide et à la détermination de Jacques Chirac, elle réussit à aller au bout de son fameux grand projet, le Centre culturel Pompidou. Le Centre Pompidou. Alors même que le projet suscite toujours autant de critiques dans le quartier de Beaubourg, je ne vous dis même pas quel commentaire on peut faire. Le 31 janvier 1977, le Centre Georges Pompidou est donc inauguré, bien après la mort de celui qui en avait été à l'origine, bien entendu. Claude est parvenu, on peut dire, à rendre plus fidèle et pérenne cet hommage que l'on consacrait à Georges Pompidou, en faisant en sorte que le Centre Pompidou se maintiennent d'année en année, deviennent une sorte de véritable référence internationale. Ce n'est pas seulement un musée, c'est bien un centre actif dans tous les domaines de la création contemporaine, avec juste à côté l'IRCAM, bien sûr le centre de la musique également contemporaine. On peut dire que Claude Pompidou, bien qu'elle ne soit plus première dame évidemment, va conserver en quelque sorte ce magistère et jusqu'à la fin, elle deviendra pour les Français et pour bien des gens dans le monde une sorte d'incarnation de l'art contemporain. un extrait de la polonaise de Chopin, interprété par Arthur Rubinstein sur Europe 1. Pour évoquer le destin de Claude Pompidou, la moderne, voilà comment on pourrait appeler cette émission, Franck, vous avez deux invités aujourd'hui. Vous recevez Guillaume Perrault, qui est journaliste au service politique du Figaro, qui publie « Conservateur, soyez fiers » chez Plon, et Alain Pompidou, médecin, professeur émérite de biologie médicale, qui vient, lui, de publier « Claude, c'était ma mère » aux éditions Flammarion. Oui, Claude, c'est le titre tout simple, qui lui va tellement bien et que vous avez choisi pour cet essai sur votre mère adoptive, Alain Pompidou. Vous êtes évidemment le mieux placé pour parler de Georges et de Claude Pompidou, et vous avez vécu, parce que vous étiez déjà évidemment tout à fait en âge et aux responsabilités, vous avez vécu la terrible maladie de votre père. Pourquoi n'avoir pas expliqué à votre mère de quoi il retournait exactement ? Je dois dire que les liens entre mes parents et moi, après avoir été des liens extrêmement étroits entre Georges et Claude Pompidou, c'est sans doute d'ailleurs le dernier président de la République qui est resté fidèle à son épouse. Oui. et les liens se sont resserrés encore lorsque je suis arrivé dans cette famille. Et donc, nous étions quasiment un trio fusionnel. Et j'ai participé à tout. Depuis ma petite enfance, où on me traînait dans les musées, jusqu'au moment où j'ai dû m'occuper de la santé de mon père. Et simplement, vous avez fait une excellente exégèse de l'ouvrage. Je voudrais simplement dire d'abord deux points. L'un qui caractérise les Pompidou, leur Porsche 356 oui. n'était pas blanche, elle était grise. Ah, pardon. Parce que ce qui les caractérise, c'est le sens de la pudeur de la et la volonté de ne pas être ostentatoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que Georges Pompidou, mon père, n'appelait pas son épouse, ma mère, Bibiche, mais Biche. Biche tout court. Et d'ailleurs, oui. Vous avez évoqué Louis de Funès qui disait ma biche. Lui, oui, c'est vrai. Et en fait, c'est une erreur d'enregistrement qui, effectivement, au moment où mon père tend une cigarette à son épouse dans une interview avec les Flashs dans les deux premiers jours d'installation à l'Élysée, il lui tend une cigarette, il lui dit dis biche et on entend bibiche et ça a été publié dans minutes comme bibiche. Voilà, et voilà comment on réécrit l'histoire. Heureusement je vous parlerai de la santé après. Heureusement qu'il y a, comme vous, des témoins qui sont là pour rectifier les choses, Alain Pompidou. Nous revenons avec vous et avec Guillaume Perrault dans un instant sur l'incroyable destin de Claude Pompidou. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est le destin de Claude Pompidou qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Vous recevez Guillaume Perrault, journaliste au service politique du Figaro, Franck Ferrand, et Alain Pompidou, le fils de Claude et Georges Pompidou. Alors je reviens à ma question, Alain Pompidou, à propos de la santé très déficiente du président Pompidou et de la relative ignorance dans laquelle Claude Pompidou a été entretenu de cet état de fait. Hein. Bien sûr, santé déficiente d'un côté, énergie et optimisme fondamental de la part de Georges Pompidou de l'autre. Effectivement, on découvre l'existence d'une protéine anormale, dite protéine de Waldenström, qui avait été décrite en 1942 par le professeur Waldenström, qui était un grand biologiste suédois. Et cette maladie, à l'époque, 1. On n'en connaissait pas la cause. 2. On n'en connaissait pas l'évolution. Et 3. On n'en connaissait pas le traitement. On sait qu'aujourd'hui, il y a deux formes de cette maladie. Une forme d'évolution très rapide sur 4 ou 5 ans et une forme très très lente sur 30 ou 40 ans. Et on ne savait pas laquelle présentait Georges Pompidou. Les médecins donc se concertent, me demandent de venir, disent écoutez, si on dit à votre père qui est un homme intelligent et averti, 1. On ne connaît pas l'origine de votre maladie. 2. On n'en a pas le traitement. 3. On n'en connaît pas l'évolution. Il va aller voir une guérisseuse ou une cartomancienne. Ce qui a été le cas d'autres présidents et d'autres présidents du conseil d'ailleurs. Mais néanmoins, il va nous échapper. On ne pourra pas contrôler sa maladie. Donc on décide de ne rien dire. Êtes-vous d'accord? Mais on vous confie le soutien psychologique. Ah, je dis, ça veut dire quoi le soutien psychologique? Eh ben, ils me disent... Question, hein. Ben oui, moi j'étais professeur de médecine, mais j'étais le fils. Et effectivement, ils me disent, ça veut dire que on va faire des analyses tous les deux ou trois mois. Vous serez le premier à avoir le résultat des analyses, vous les présenterez à votre père, et nous on viendra ensuite pour lui expliquer le traitement qu'on fait. Ben, c'est le rôle que j'ai joué pendant 4 ans. Avec évidemment une lente Alors les choses, hein, les choses se sont dégradées progressivement parce que c'était la forme rapide de la maladie, ce que Jean Bernard appelait la maladie des chefs d'État, parce qu'il y a eu 4 chefs d'État qui ont été atteints de maladies plus ou moins cousines, si vous voulez. Et effectivement, j'ai dû soutenir le moral de mon père qui, jusqu'au dernier Conseil des ministres, comme vous l'avez dit, a dit « je ne suis pas bien, mais j'ai bien l'intention d'embêter tout le monde ». Mais si on reprend l'ouvrage d'Éric Roussel, qui a eu accès à l'intégralité du verbatim du Conseil des ministres, Georges Pompidou, avant d'évoquer ses problèmes de santé, qui étaient des problèmes graves, puisque c'était 10 jours avant sa mort, a fait une conférence 1h30 devant ses ministres sur la politique internationale, où tout y était. Donc il avait parfaitement ses capacités. Il tenait les choses mentales, en main sur le plan intellectuel. Puisque vous parlez du plan intellectuel, on a l'impression que la connivence entre vos parents était d'abord une connivence intellectuelle. Ils avaient des goûts en commun, ils étaient... C'était plutôt une connivence affective, qui a commencé, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, dans un cinéma du boulevard Saint-Michel, et qui ne s'est pas interrompue. Cette connivence était profondément affective parce que l'un comme l'autre, bien sûr, avait le goût de l'authenticité, de l'humour, etc. Mais surtout, ils avaient l'un et l'autre une capacité de discernement et d'anticipation qu'ils partageaient en permanence. Oui. On a l'impression que Claude Pompidou n'a suivi la carrière politique de son mari qu'à regret, d'une certaine manière, Guillaume Perrault. Franck, on prête à Claude Pompidou ce mot « la politique m'a volé mon mari ». Et voilà, hein, c'est ça. Et je me souviens très bien que pour les 20 ans de la mort de Georges Pompidou, Claude Pompidou, de naturel très discret, avait accepté de participer à une émission de télévision. Et il avait dit, avec un naturel qui avait touché et presque fait sourire le public, c'était l'heure de vérité, que son ambition personnelle, c'était que, dans les années 30, son mari soit nommé professeur agrégé de lettres classiques à Aix-en-Provence. Voilà. Elle visait, elle espérait Aix-en-Provence. Et voilà. Et donc, à partir de 1945-6, lorsque Georges Pompidou entre au cabinet du général de Gaulle, puis devient son confident très vite. Dès 1947, il se voit confier les fonctions de trésorier de la Fondation Anne de Gaulle. Donc, il devient très proche pendant toute la quatrième. Un homme de confiance, on peut dire. Ah oui, vraiment. Un interlocuteur intellectuel très vite. Eh bien, Claude Pompidou, par amour pour son mari et par sens du devoir aussi, l'accompagne, le soutient, le suit. Je vous propose d'entendre justement au micro de Laurent Guimier ce que disait, c'était en 1997, ce que disait Madame Pompidou de la politique en général. On raconte toujours, quand vous étiez à l'Élysée, vous étiez la première dame de France, je trouve ça idiot. Pour les enfants, ça, c'est comme dans les contes de fées, les bons, les mauvais, la première, la deuxième. Je me trouve très bien chez moi, je ne regrette absolument rien sur ce plan-là. Vous dites dans votre livre, l'Élysée, en fait, je n'aimais pas cet endroit, je ne le regardais pas quand je passais devant. Pourquoi ? Parce que je craignais un jour que nous soyons obligés d'y être. Ça, comme on dit, ça nous pendait un petit peu au nez. On le sentait, vous savez, on le sent. On fait tout pour retarder, contrairement à ceux qui souhaitent que s'accrocher pour y être. Mais ce n'était pas notre cas. Donc j'avais peur de ça, parce que je savais que c'était quand même... en gros, la fin d'une vie privée agréable, c'est ça, en réalité. Mais je l'ai trop dit, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui ont trouvé que, après tout, j'étais bêcheuse, qu'après tout, j'en avais bien profité, quelle horreur. C'était une menace et ça s'est révélé vrai ? Ça s'est révélé inévitable, plus exactement. Vous avez presque vu ce que c'était qu'une cohabitation lorsque M. Pompidou était à l'Élysée. Il y avait Jacques Chaban-Delmas à Matignon. On a souvent dit que c'était une autre cohabitation. Oui, j'aime pas beaucoup parler de ce temps-là, parce que ça me plaisait pas beaucoup, en effet. C'était un peu ambigu, c'était un peu bizarre. Bon, il y a eu des coups bas, ça, oui. Je ne voudrais pas citer les noms de ceux d'où probablement ils viennent, mais enfin, il y a eu pire que des coups bas, on peut dire. Mais c'est la jalousie, vous savez. Vous savez bien que la jalousie mène le monde. La jalousie mène le monde et l'ambition, bien entendu, dans le milieu politique. Je ne voudrais pas nommer, dit Claude Pompidou. Est-ce que votre mère savait d'où étaient venus notamment les coups au moment de l'affaire Markovic ? Est-ce qu'elle avait une idée de la question, d'après vous, Alain Pompidou ? D'abord, elle s'est exprimée dans son ouvrage « L'élan du cœur ». Elle n'a pas donné de précision là-dessus. Mon père s'est exprimé dans « Pour établir une vérité » sur cette affaire, où il a consacré un chapitre entier. Il n'a pas donné de conclusion non plus. C'est en fait, finalement, une affaire de droit public qui est véritablement devenue un complot politique. Qui en sont les instigateurs ? Aujourd'hui, personne ne sait. Vraisemblablement, il y aura des archives. Elles seront ouvertes dans les 20 ans qui viennent. Ce sera et à ce moment-là, 4 générations après l'affaire en question, eh bien, on aura peut-être plus de précisions. Claude, c'est le récit qu'Alain Pompidou consacre à sa mère. C'est chez Flammarion. Dans un instant, nous allons venir... Et au bénéfice de la Fondation Claude Pompidou. Ah, j'ai abandonné tous mes droits parce que il faut mener une logique jusqu'au bout. Si on fait un hommage à sa mère, il faut que les droits reviennent à sa fondation. Eh bien, bravo. Nous reviendrons justement dans un instant sur la Fondation et sur le Centre. Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, jusqu'à 15h30, je vous le rappelle, nous sommes au cœur de l'histoire de Claude Pompidou, une femme très moderne, avec vos invités Guillaume Perrault, journaliste au service politique du Figaro, Alain Pompidou, le fils de Claude Pompidou et Georges Pompidou, médecin, professeur émérite de biologie médicale, qui a publié Claude aux éditions Flammarion, avec le sous-titre « C'était ma mère », une femme qui est à l'origine de la Fondation et du Centre Georges Pompidou. On parle de grandes institutions culturelles, puisque à partir de 15h, nous allons évoquer, bien entendu, la Bibliothèque nationale, en tout cas le site Richelieu, le site classique de la Bibliothèque nationale de France, et les travaux qui sont en cours dans la salle ovale, bien entendu. Alors, un mot peut-être, j'aimerais bien qu'on évoque ça, Guillaume Perrault, de la personnalité de Claude Pompidou. On a bien entendu tout à l'heure, dans le petit document que j'ai diffusé, dans cette interview de Laurent Guimier, que Claude Pompidou n'espérait pas du tout devenir première dame, c'est le moins qu'on puisse dire. Et même entrer à Matignon pour elle a été une souffrance. Comment la classerait-on parmi les premières dames de la Ve République entre le classicisme d'une Yvonne de Gaulle et celui d'une Anémone Giscard d'Estaing, évidemment, elle a tout de suite été remarquée. C'est-à-dire que Claude Pompidou était le contraire d'une femme de pouvoir. On l'a souligné, elle était très inquiète, presque effrayée de la vie qui l'attendait à partir de mars 1962, quand son mari a été nommé Premier ministre, à plus forte raison lorsqu'il a été élu président de la République en 1969. Juste une anecdote, en mai 1968, il est certain que son soutien affectif, la solidité de la famille Pompidou a beaucoup compté. C'était un havre de paix le soir pour Georges Pompidou, qui était en première ligne pour tenir... Parce que lui non plus, même s'il assumait tout ça sans doute un peu mieux, lui non plus n'était pas un ambitieux forcené. Hein. On ne peut pas dire qu'il ait épousé cette carrière avec... Je voudrais pas... Je parle sous le contrôle du professeur Pompidou, mais il me semble que c'est plus... Ça se discute quand vous êtes Premier ministre. À partir que vous êtes à Matignon, vous pensez nécessairement à l'Élysée. Lui-même l'a dit. C'est inévitable. Donc je pense qu'il était... Si Dieu veut, un destin national. Ouais, ça c'était en 69. Oui, c'est destiné. C'est ça qui était important chez lui. Il avait une culture classique. Il savait ce que c'était que la tragédie, et même la tragédie du pouvoir, et il l'a suivi. Oui, la tragédie qu'il ne faut pas connoter dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, c'est-à-dire le destin, le fatum qui s'impose. Voilà, exactement. Il est certain que par exemple en mai 68, ça fera sourire les plus jeunes des auditeurs, mais au début des événements, lorsque ça n'a pas encore pris un caractère dramatique au quartier latin, Georges Pompidou et son épouse sont en visite officielle en Iran et en Afghanistan. Oui. Ils sont en Afghanistan, à tel point que Louis Jox, qui était Premier ministre par intérim, a les plus grandes difficultés à joindre Georges Pompidou, qui est quasiment sur ligne de couche à un moment contre son gré, parce qu'il suit programme. Que le roi d'Afghanistan lui a, puisqu'il y avait un roi à l'époque, lui a concocté comme programme. Donc l'épouse de Georges Pompidou a été associée naturellement à tous les voyages et aux difficultés du pouvoir. Il y a eu des voyages, moi je me rappelle, là j'étais vraiment tout petit, mais je me rappelle le voyage en Chine qui a beaucoup frappé. Il y a eu un voyage aux États-Unis qui a été difficile, il faut le dire. Oui, 73, c'est le voyage en Chine. Le premier chef d'État français à se rendre en Chine, c'est Georges Pompidou. On a des images tout à fait spectaculaires des foules chinoises qui font des démonstrations d'amitié extrêmement ordonnées, sur commande, voilà. Et 1970, c'est le voyage, donc un peu avant, c'est le voyage aux États-Unis. C'est Richard Nixon, président, qui le convie. Et il y a eu un incident assez pénible à Chicago car des manifestants, membres de la communauté juive américaine, ont pris à partie le couple Pompidou, l'ont hué, il semblerait qu'il y ait eu des crachats. On était au lendemain de l'affaire des vedettes de Cherbourg. Voilà, etc. Exactement. Et donc, il lui reprochait la politique arabe de la France. Je vous en prie, il lui reprochait la politique arabe de la France, l'embargo sur les ventes d'armes d'Israël. Et il y avait le service de sécurité a été débordé. C'était la police de Chicago qui était là et non pas une agence fédérale. Et on a frôlé l'incident diplomatique puisque Georges Pompidou était furieux pour la France, pour son épouse aussi, parce qu'on voit qu'il a le souci de la protéger. Les images sont tout à fait significatives. Et il a ensuite fait savoir sa colère discrètement à Richard Nixon, qui s'est précipité pour organiser à New York un grand dîner en l'honneur des Pompidou, où il était présent pour éviter qu'il ne rentre précipitamment à Paris, car c'était envisagé par Georges Pompidou. On était à deux doigts. Pompidou était prêt à partir. Vous y étiez, vous, Alain Pompidou? Non, j'étais pas, mais j'ai eu le récit quand ils sont revenus immédiatement. Oui, bien sûr, ouais. Claude Pompidou était prêt à partir, mon père l'a dissuadé, a prévenu l'ambassadeur, et de façon tout à fait exceptionnelle dans le protocole de la présidence des États-Unis, le président s'est déplacé de Washington à New York pour offrir ce dîner dont vous parlez. Comment Madame Pompidou vivait-elle au quotidien toutes ses obligations et notamment ses voyages officiels qui sont quand même extrêmement lourds et difficiles. Elle avait une astuce, c'est-à-dire que d'abord elle se déplaçait avec beaucoup de bagages parce que on a dit qu'il y avait 60 robes quand elle est partie aux États-Unis, donc il y avait des bagages. Et puis il y avait ses bagages personnels. Et dans ses bagages personnels, comme compte tenu du fait que pendant les négociations, il y avait effectivement des temps morts, elle avait toujours un saucisson de cajard, une bouteille de vin de Cahors et quelques petits fromages avec du pain de campagne. Et avec le coiffeur qui était là, puisqu'il fallait la maintenir bien coiffée, et avec son attaché de presse, il s'asseyait sur les valises et il saucissonnait. Voilà, ça rend ça tout de suite nettement plus sympathique, il faut bien le dire. Il faut qu'on dise un mot d'Orvilliers, puisque nous approchons de la partie patrimoine de l'émission. C'était un petit peu le lieu de ressourcement des Pompidou. C'est le lieu de ressourcement. Disons que la propriété d'Orvilliers a été achetée en... Vous expliquez où elle se trouve d'ailleurs. 1954, elle est tout près de Montfort-la-Maurie. Elle est entre Houdan et Montfort-la-Maurie. Elle est à 50 minutes de Paris. J'y passe moi-même 4 jours par semaine. Voilà. Grâce à Internet, je peux travailler à la campagne. Et effectivement, c'est le creuset familial parce que toute la famille s'y est retrouvée. Après ça, certains ont disparu, certains se sont maintenus. Et quand j'ai fait une signature Orvilliers, j'ai signé 100 livres dans la... Bien sûr, là, vous êtes les héros locaux, si je puis dire. À quoi ressemble cette maison? C'est une maison qui est toute blanche, qui a toujours été blanche. Et effectivement, quand mes parents l'ont achetée, avec un emprunt d'ailleurs que leur avait octroyé un grand-oncle, eh bien, elle s'appelait la Yoyette. La Yoyette, c'est le nom d'une danse auvergnate. Et mon père a dit, c'est ridicule, et puisqu'elle est blanche, on va l'appeler la Maison Blanche. Et aucun journaliste n'a relevé, quand il est devenu président, qu'il habitait pendant les week-ends la Maison Blanche. Oui. Ça, c'était la maison du bonheur, d'une certaine manière. Absolument. Par contraste, Guillaume Perrault, avec la maison du malheur, c'est le surnom que Madame Pompidou avait donné à l'Élysée. Absolument, la maison du malheur où Claude Pompidou n'a jamais voulu revenir dans quelque occasion que ce soit, après la mort de son mari. Malgré l'insistance du président Chirac, elle n'y est jamais retournée. Mais il y avait une autre maison du bonheur, c'est la propriété de Cajard, mais on en parlera peut-être une autre fois, oui, parce que c'était une découverte que de trouver cette maison délabrée, cette ferme délabrée avec la lumière de la Grèce qui fascinait mon père, que mes parents ont acheté alors pour le coup en 62, et Georges Pompidou l'a acheté sans l'avoir pour se faire pardonner d'avoir accepté le poste de Premier ministre. Oui, c'était quand même, c'était un petit peu, c'était pour faire passer la pilule d'une certaine manière. Est-ce que vous avez l'impression que votre mère avait une sorte de réticence à évoquer les années de Matignon et les années de l'Élysée? Non, pour tout vous dire, elle n'avait pas de réticence parce que elle avait toujours la capacité de se raccrocher à quelque chose. Or, les années de Matignon et les années de l'Élysée ont été des années heureuses sur le plan de la création artistique dans tous les domaines, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et donc, pour elle, immédiatement, elle se raccrochait à ses amis artistes, aux artistes contemporains de l'époque et de la présidence. Merci beaucoup Alain Pompidou. Vous restez avec nous si vous voulez pour j'aimerais avoir votre sentiment sur les travaux qui vont être réalisés à la Bibliothèque nationale. Votre ouvrage Claude, ce récit d'un fils, cet hommage à votre mère est publié chez Flammarion. Un mot peut-être Guillaume Perrault sur peut-être, si oui. Vous le permettez juste dire un mot, vous avez dit qu'effectivement les relations s'étaient distendues entre la famille de Gaulle et alors, ma mère. Ça, si vous voulez bien, on va y revenir juste après le flash. Je vous laisserai quelques instants pour l'évoquer. Et je voulais juste demander, Guillaume Perrault, si Claude Pompidou reste la plus populaire des premières dames de la Ve République. C'est difficile à apprécier. Je pense que à la fois Claude Pompidou et Georges Pompidou sont un peu victimes de leur pudeur et de la brièveté. Mais ils n'ont jamais cherché à organiser leur publicité. Ils voulaient que ça reste des années heureuses dans le souvenir des Français. Et avec le recul, assurément, c'était des années heureuses pour les Français. Partons dans un instant pour la Bibliothèque nationale. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Et depuis la rentrée, effectivement, depuis lundi, Franck Ferrand vous propose 30 minutes d'histoire en plus. Franck Ferrand vous emmène tous les jours de 15h à 15h30 sur les routes de France à la découverte des lieux où l'histoire s'est faite. Et parce que nous évoquons le destin de Claude Pompidou aujourd'hui, nous allons donc en plein cœur de Paris sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Oui, en compagnie, nous avons de nouvelles invitées qui nous ont rejoints dans ce studio. Laurence Engel est la présidente de la Bibliothèque nationale de France et Isabelle Lemann de Chermont est directrice du département des manuscrits. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on soit obligé, mais vous allez m'expliquer en deux mots, de faire appel à la générosité publique pour faire avancer les travaux de cette salle ovale de la Bibliothèque nationale. C'est un complément. Un complément, voilà. Bonjour d'abord, mais c'est un complément à une campagne de très vastes travaux. Ça fait depuis 6 ans qu'en réalité la BNF, sur son site Richelieu, historique, le cœur de Paris, vous l'avez dit, le cœur historique de la bibliothèque est en travaux. On vient d'ouvrir une première phase de chantier à tous les publics. Une première moitié de ce beau site est ouverte et puis on commence la campagne pour la deuxième phase. En tout, c'est un budget de 250 millions d'euros. C'est vraiment une grande campagne de restauration. C'est la première fois que ces 60 presque 1000 mètres carrés de bâtiments vont être rénovés. Et l'État y consacre 232 millions d'euros. Voilà, mais c'est vrai, on a besoin d'un petit peu plus. L'État met la main à la poche, mais voilà, on demande à la générosité publique de venir compléter. Ce qui est, pourquoi pas, ça permet de mobiliser aussi l'opinion, c'est pas mal. Alors c'est très bien et ça correspond à une certaine image de la bibliothèque. C'est ça. La bibliothèque, c'est à la fois un lieu familier. On connaît chacun sa bibliothèque, c'est même du mobilier. Alors là, c'est la bibliothèque nationale. Donc cet aller-retour entre le lieu familier, l'histoire personnelle et l'histoire tout court, au cœur de l'histoire, c'est aussi cette histoire qui va se raconter à travers la souscription. Et en tout cas, je pense que les donateurs témoignent de ce qu'ils sont en effet très attachés à cette histoire et à ce lieu. Ça doit vous toucher, ça, Alain Pompidou. Vous nous parliez de la culture classique de votre père, auteur d'une célèbre anthologie de la poésie française. Du reste, les livres ont été constamment présents chez vous et chez vos parents. Les livres, les éditions originales, La femme sans tête de Max Ernst, l'édition générale de 1929 qu'il avait acheté à l'âge de 17 ans avec sa bourse de Cagnes. Et puis un document que j'ai remis aux Archives nationales de France. Il y aura peut-être une négociation un jour avec la Bibliothèque nationale. Il s'agit de l'exemplaire numéro 1 du testament du général de Gaulle, rédigé en 72 et confié à mon père, qui maintenant repose aux Archives nationales de France. Alors justement, vous vouliez apporter une petite clarification sur les relations entre la famille Pompidou et la famille de Gaulle. Oui, effectivement, bien sûr, il y a eu quelques divergences entre mon père et le général à partir de 65, en 68, le général est parti. Au moment de mai 68, il y a eu vraiment 68, beaucoup de divergences. Et puis alors en octobre quelques, encore, d'autres. Et puis d'autres ultérieurement. Mais ce qui est intéressant, c'est que entre Madame de Gaulle et Claude Pompidou, il y avait véritablement une unité. Unité d'éducation, unité de comportement, bien que ce soit des tempéraments tout à fait différents. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que en 1958, mon père est devenu le trésorier et le directeur général de la Fondation Anne de Gaulle, et que malgré ces divergences en 68, en 69, quand mon père s'est déclaré pour la présidence de la République, il est resté le trésorier et le directeur et le secrétaire général de la Fondation Anne de Gaulle. D'où les liens étroits avec la famille du général. On a l'impression, Guillaume Perrault, je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit, que l'image du président Pompidou reste attachée à une image de culture. Alors nous avons vu à quel point l'art contemporain a joué un rôle très important, notamment sous l'égide de Claude Pompidou, mais d'une façon plus générale, la littérature, il était agrégé après tout de lettres, hein, donc on a l'impression que cette culture était très présente, on ne peut pas en dire autant de tous ses successeurs. Non, il est certain que dans la mémoire collective, Pompidou, c'est d'abord un agrégé sachant écrire, selon la formule qu'on prête au général de Gaulle en 1946. Trouvez-moi un agrégé sachant écrire. Pompidou lui-même disait que c'était une fable, que de Gaulle n'avait jamais employé ces mots-là. Mais il est certain en tout cas qu'aux yeux de Gaulle, dont le père était lui-même professeur, les études classiques de Georges Pompidou, sa qualité d'ancien élève de la rue d'Ulm, son agrégation comptait. Et on ne peut qu'être sensible à l'ascension sociale prodigieuse de ce fils issu d'un milieu modeste du Cantal, de Montboudif, qui devient d'abord professeur et ensuite collaborateur du président de la République, Premier ministre, puis président lui-même. Et donc, il est certain que... on est quand même un pays où la littérature conserve un certain... et l'histoire conserve un certain statut. Il a correspondu à une idée... de l'ascension sociale et de la culture classique. Je suis en train de me dire que vous êtes trop jeune, vous, pour avoir travaillé sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale. J'y suis allé. À la toute fin, j'ai vu quelques expositions aussi qui étaient organisées. Je me souviens sur le français en 1990, une exposition qui avait marqué, je crois, à l'époque. Donc je me souviens très bien. Alors que moi, c'était vraiment le cadre et l'univers de mes études, je peux le dire, et notamment le département des manuscrits, bien entendu. Alors il faut que vous nous expliquiez, là il y a beaucoup de choses à dire sur cette Bibliothèque nationale. D'abord, la Bibliothèque nationale de France a été transférée, très loin d'ici, hein, sur l'autre rive de la Seine, dans le 13e arrondissement, Laurence Engel. Elle est aujourd'hui loin du site Richelieu. C'est en tout cas l'image que les Français ont. Alors, redressez-la cette image si elle est fausse. Elle n'a jamais été transférée, elle a été étendue. Parce que, comme cette bibliothèque, vous le savez, elle n'est pas toute jeune. Elle a commencé son histoire au XIVe siècle. Donc c'est aussi cette profondeur historique qui explique qu'il y ait tellement de trésors dans ses collections. Et ces collections s'alimentent tous les ans puisque elle est l'endroit où sont déposées toutes les productions éditoriales depuis François Ier, avec le dépôt légal. Donc on a besoin toujours un petit peu plus de place et dans cette longue histoire, la bibliothèque s'est aussi étendue et c'est vrai, il y a 20 ans, a eu le grand bonheur d'avoir ce deuxième grand site à Tolbiac. Mais elle n'a jamais quitté Richelieu. D'ailleurs, Richelieu n'a jamais été fermé, même pendant ses travaux. Les chercheurs qui viennent travailler sur les collections des manuscrits, des monnaies et médailles, enfin, on parlera sans doute un petit peu de cette diversité de collections, ont toujours pu venir travailler à Richelieu. Mais Richelieu, c'était une bibliothèque de recherche. Ça reste une bibliothèque de recherche. Alors que Tolbiac, c'est peut-être pour ça qu'on en parle davantage, ouvert ses portes à tous les publics. Nous avions d'ailleurs eu la chance de faire, c'était à l'époque où l'émission était le dimanche, nous avions fait une émission au cabinet des médailles qui a marqué les auditeurs parce qu'on avait vu si trésors, l'on peut dire, en parlant de la radio, nous avions vu des trésors extraordinaires. Isabelle Lemann de Chabon, tout ça est encore sur place, rue de Richelieu. Alors l'essentiel des collections sont encore sur place puisque le bâtiment fait 60 000 mètres carrés. Hein, c'est un ensemble extraordinaire. La moitié c'est est en tout travaux. Un complexe, c'est un quartier. Il faut le dire, en un quartier voilà, de Paris. On appelle ça un quadrilatère. C'est un petit quartier en soi. Mm-hmm. Et effectivement, vous avez raison d'évoquer les collections du département des monnaies et médailles qui sont des purs splendeurs. On avait pu voir à votre émission le Grand Camée, ses collections d'ivoire. Et j'en profite pour dire que le trône de Dagobert, le trône du roi Dagobert, même du 7e XVIIIe siècle est actuellement en présentation en dehors des murs au musée de Cluny, ce qui montre aussi qu'on continue à avoir notre rayonnement en ce moment. Alors, dans un instant, nous allons venir au vif du sujet. Cette salle ovale, d'où vient-elle? Que veut-on y faire? Pourquoi avons-nous besoin de la mobilisation de nos auditeurs? Voilà autant de questions que je vais vous poser à vous deux dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. J'aime lire les trajectoires en pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Pourtant tout allait bien. J'aime lire. Mais non, je ne l'ouvrirai pas, je la laisserai là, cachetée, silencieuse, je ne risquerai pas. J'aime lire avec la voix d'Albin de la Simone sur Europe 1, et nous aimons tous lire. C'est pour ça que nous, jusqu'à 15h30, nous sommes au cœur du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France avec cette célèbre salle ovale qui a besoin de vous. Exactement. Alors pour tout vous dire, les travaux ont commencé à la Bibliothèque nationale sur ce site Richelieu, donc en plein cœur de Paris. Les travaux ont commencé en 2010. On est en train d'arriver à la fin de la première phase de ces travaux. Alors un certain nombre de lieux absolument majeurs de la bibliothèque ont déjà maintenant été restaurés. La salle des manuscrits, bien entendu, la salle Labroust, la nouvelle salle de lecture des arts du spectacle. On est en train de... Alors, entre parenthèses, au passage, il faut quand même là que vous disiez un mot, Laurence Angèle, sur l'affaire de l'escalier. Parce que alors, ça a fait un scandale terrible, hein, cette histoire de l'escalier de Jean-Louis Pascal qui a disparu dans l'affaire. Les scandales patrimoniaux, il y en a souvent eu, mais c'est d'abord une vieille histoire, puisque la décision qui a été prise, elle a été, vous le disiez tout à l'heure, en 2010. C'est un monument, je pense, auquel, et ça, moi, je peux comprendre, il y a beaucoup d'attachements sentimentaux. Mais bien sûr. Mais en même temps, c'était un monument qui n'était pas classé. Qui était inscrit mais pas classé monument historique, et pour lequel, parce qu'il y a cette ambition d'ouvrir grandement la bibliothèque, ce qui n'était pas le cas jusque-là, la solution qui a été proposée, qui a été acceptée par les commissions chargées de veiller à ce patrimoine, ont accepté une solution qui va nous faire avoir un nouvel escalier, abandonner celui-là. C'est toute l'histoire de ce lieu, parce qu'en réalité... Le nouvel escalier, de Bruno Gaudin, l'architecte. Il est de Bruno Gaudin, l'architecte qui est chargé de cette restauration, sur un bâtiment qui n'a jamais cessé d'être transformé. Oui, bien sûr. On en a, voilà, c'est des étapes, beaucoup de bouts différents, jusqu'aux années 60 pour les dernières grosses interventions. On continue cette belle histoire en gardant l'essentiel. Alors la salle ovale dont nous allons parler maintenant, il faut expliquer où elle se situe déjà dans les locaux, Isabelle Demane de Chamont. La salle ovale se situe au coin de la rue Vivienne et de la rue Colbert. C'est une salle gigantesque. C'est une salle absolument gigantesque. Elle fait 1000 mètres carrés, 18 mètres de hauteur. Et c'est vrai que dès qu'on rentre, on est saisi par ce volume. Oui. Bah, on l'a beaucoup vu dans les films, etc. Hein, bien sûr. Elle est très photogénique. Elle est très photogénique, il faut le dire. Alors, la construction a commencé à la toute fin du 19e siècle, à la belle époque, en 1897. Elle s'est étendue, comme vous le dites d'ailleurs, avec des phases de changement, etc. C'est Jean-Louis Pascal qui l'a commencé. Elle s'est arrêtée, elle a été enfin inaugurée juste avant la Seconde Guerre mondiale, en 1936 seulement. Par le président de la République de l'époque. Exactement, Albert Lebrun. Par Albert Lebrun. Et évidemment, au départ, c'était une grande salle de lecture, tout simplement, disons-le. C'est une grande salle de lecture, c'est le fruit d'une réflexion qu'on a à la fin du 19e, parce que effectivement, comme le disait Laurence Angèle, la bibliothèque ne cesse d'évoluer pour s'adapter aux besoins de la société qu'elle sert. Et l'idée, c'était d'ouvrir à un plus large public, tout en préservant une salle Labrouste réservée à un travail d'études plus poussé. Donc, la réflexion, c'était dans ce sens-là. De plus en plus de personnes qui savent lire, de plus en plus de lecteurs, de plus en plus de personnes instruites, et leur offrir cette vaste salle. Et puis, en 36, quand ça rouvre, eh bien, finalement, ça a toujours cette idée d'ouverture large au public, mais surtout de prise en compte d'un mode d'expression, d'un mode de diffusion qui avait explosé, qui était la presse. Et, voilà, et ça a été la salle des périodiques. Dans le monde des bibliothèques. Toute la presse de tous les pays du monde, un endroit magique. Et non seulement toute la presse de tous les pays du monde, mais de toutes les époques. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, cette salle ovale, d'abord, il faut peut-être la décrire. On a dit qu'elle était majestueuse, superbe. Elle est décorée aussi, bien sûr. Elle est décorée, mais surtout, Jean-Louis Pascal a été un architecte qui a été immensément attaché à la Bibliothèque nationale. Il a travaillé pendant des années sur cette salle. Et ce qu'il a réussi à faire, qui est absolument extraordinaire, c'est de faire une salle dans laquelle il n'y a pas une seule colonne, un seul élément vertical, donc on a tout incroyable, le volume qui s'élance. C'est vrai que c'est incroyable. Deuxième réussite totale, c'est le traitement de la lumière. La lumière, elle arrive en hauteur par un système de verrières, d'une lumière zénitale extrêmement adoucie, qui baigne et qui unifie tout l'espace et qui effectivement permet de profiter d'un décor, extrêmement soigné, même s'il est discret, avec là des colonnes repoussées sur les côtés. Et un détail que j'aime énormément, qui est toute la frise de mosaïque qui court sous la verrière et où sont rappelés les noms de toutes les grandes bibliothèques du monde. La grande bibliothèque d'Alexandrie. Voilà, elles ont pu exister, elles peuvent avoir détruit. Il y a Babylone, il y a Ninive, oui, il y a des sûr. Bibliothèques européennes comme Londres, comme Berlin, comme Florence, et puis des bibliothèques d'ailleurs. Il y a Washington déjà, il y a Jérusalem, il y a Pékin. Et c'est la solidarité des bibliothèques du monde qui s'exerce. En fait, ces bibliothèques sont un ferment de civilisation. Il ne faut jamais oublier qu'on peut juger quasiment du développement d'une civilisation à ces bibliothèques. Moi, je crois beaucoup à l'importance de la bibliothèque. C'est pas seulement chez Borges, la bibliothèque. C'est pas seulement un labyrinthe et un lieu d'arcanes insondables. C'est d'abord et avant tout le lieu du savoir. Et sont des gardiennes de notre mémoire collective. Je reprends bien volontiers le terme qu'a employé Guillaume Perrault à l'instant. Elles sont aussi la trace, et pour moi c'est extrêmement important, de notre ouverture sur le monde. Bien sûr. Et c'est bien là que dans les collections que nous avons, par exemple au département des manuscrits, il y a certes tous les manuscrits des grands auteurs français, mais aussi des manuscrits d'autres pays. Si vous voulez, on finira l'émission par en faisant rêver nos auditeurs. Vous nous direz quels sont les trésors que recèle le site Richelieu de la Bibliothèque nationale. Venons-en au cœur de la question. Nous avons besoin d'argent pour mener à bien cette deuxième phase des travaux, Laurence Angèle. Combien avez-vous déjà recueilli là actuellement ? On a lancé cette souscription il y a quelques semaines avec l'objectif de recueillir 500 000 euros et nous avons recueilli 400 000 euros. Alors 100 000 euros, on doit y arriver quand même. Je pense qu'on va y arriver parce que, pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer, parce que c'est un lieu magique, parce que... Qui rappelle des souvenirs à bien du monde. Rappelle des souvenirs ou qui rappelle un imaginaire, parce c'est que tout le monde n'est pas venu travailler sûr, là, oui. mais c'est cette image de la bibliothèque rêvée, parce que ce qu'on vient de décrire, cette ovale qu'on a appelée le paradis, qui est effectivement magique. Et le paradis ovale de la Bibliothèque nationale, vous imaginez, pour 100 000 euros. Vous pouvez même devenir parrain d'une table, d'un calorifère, d'un décor. C'est toujours cette même idée du lien, de cette association entre l'universel, entre ces savoirs, tous les savoirs du monde, et une relation intime. Donc on a voulu donner cette possibilité effectivement de s'associer à un élément de décor, parce qu'on va restaurer tous ces décors. Alors ce sont des lampes, elles ont effectivement toutes 1000 déjà... 1000 euros pour parrainer une lampe. Il y a 42 lampes avec leurs opalines, c'est effectivement oui. magique. Et 42 donateurs se sont associés déjà à ces lampes, mais il y a les tables. Il reste des tables, des colonnes, absolument. Des calorifères. Les noms des villes, on évoquait tout alors à l'heure, voilà, ces villes. Et effectivement, les villes, c'est-à-dire les grandes bibliothèques du monde. Les grandes bibliothèques du monde. Une première ville, Paris, a été choisie par un donateur. Voilà, c'était une manière d'incarner un petit peu cette relation qu'on veut édifier entre les donateurs et la bibliothèque. Ce qui est vraiment très heureux, qui fait qui fait évidemment grand plaisir. On en a besoin, mais ça fait aussi plaisir d'avoir cette relation dont on a le témoignage à travers ces dons, de voir que oui, les gens sont extrêmement attachés, nous racontent des histoires. Je pense à cette famille qui a voulu associer le nom de leur mère à une colonne en nous disant ce très joli petit message, la colonne, la mère c'est ce qui fait tenir, comme la colonne et c'est ce qui fait tenir la salle ovale. Si vous voulez participer donc à cette rénovation somptueuse de la salle ovale de la Bibliothèque nationale sur le site Richelieu à Paris, eh bien vous pouvez soit envoyer un chèque, soit effectuer un virement. Alors pour ça, il faut quand même télécharger un bulletin de don. Tous les renseignements sont sur le site de la Bibliothèque nationale. C'est très facile, bnf.fr. On peut également, il y a toutes sortes de moyens. Il y a bien sûr des avantages fiscaux. Enfin, tout ça est expliqué sur le site. Je ne peux pas donner de meilleurs conseils à nos auditeurs que d'aller sur ce site bnf.fr et tout simplement de mettre maintenant la main au porte-monnaie. Vous savez, c'était Madame Van der Kemp qui a joué un rôle non négligeable dans le sauvetage de Versailles dans les années Pompidou, justement, et qui, à la fin des grands dîners diplomatiques, disait « Et maintenant, je vais vous demander de sortir vos carnets de chèques. » Eh bien, si vous le permettez, moi aussi, cet après-midi, j'en fais autant. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de la Bibliothèque nationale de France sur le site Richelieu en plein cœur de Paris. Alors maintenant que vous avez fait appel à la générosité des auditeurs d'Europe 1, il est temps de la visiter, cette bibliothèque. Mais voilà, Franck. Figurez-vous que l'inauguration officielle par le chef de l'État aura lieu le 11 janvier, mais que les 14 et 15, ce sont des journées portes ouvertes. Vous allez aller pouvoir voir le résultat de toute la première phase de travaux. À quoi ressemble l'architecture, la nouvelle architecture, Laurence Angèle? C'est un chantier de restauration, donc c'est redécouvrir ou découvrir, pour ceux qui ne sont jamais venus, toute cette histoire architecturale. Et elle est diverse, puisqu'on a diverses époques qui se retrouvent dans ce bâtiment. Le grand joyau, c'est la salle Labrouste, donc on est au 19e siècle. Labrouste, c'est aussi les magasins des arts du spectacle. Bien sûr, oui. Et puis, on a des décors du 18e. Enfin, voilà, c'est des découvertes variées qui vont être proposées aux visiteurs. C'est bien que le public puisse voir le résultat, hein, bien entendu. Vous avez acquis par souscription un certain nombre de trésors assez récemment, Isabelle Lemann de Charmont. Oui, la Bibliothèque nationale de France a pu acquérir... Le bréviaire de Saint-Louis, notamment. Et notamment le bréviaire de Saint-Louis de Poissy, donc ce chef-d'œuvre de l'enluminure médiévale du début du XIVe siècle, dont l'iconographie ne cesse de nous éblouir. Donc évidemment, cette acquisition du bréviaire de Poissy est intéressante parce qu'elle va apporter à la recherche. Mais là aussi, elle a su nous faire prendre conscience encore davantage de l'attachement de nos concitoyens pour l'art médiéval et pour l'enluminure, parce que les lettres que nous avons eues à cette occasion ont montré ça. Et puis le livre d'heures de Jeanne de France, et puis le manuscrit royal de la description des 12 Césars, hein, de François, ouais, du roi François Ier. Ouais. Bref, beaucoup de merveilles qui ont pu être réunies grâce à la générosité. À propos de bibliothèque, il y a une BPI, une bibliothèque publique d'information au sein du Centre Pompidou. Georges Pompidou était à la fois un passionné de poésie, il citait Éluard dans des conférences de presse sur l'affaire Gabriel Russier, mais c'était un passionné de lettres et un passionné de littérature. Ma mère également, parce qu'en fait, elle avait commencé à lire quand elle avait été orpheline. Elle avait lu Diderot dans le texte et Stendhal quand elle avait 8 ans. Mais lorsque le projet a été lancé d'un centre pluridisciplinaire sur le plateau Beaubourg, qui est devenu le Centre Pompidou, effectivement, mon père a tenu à ce qu'il y ait une bibliothèque ouverte en permanence au public. Et je pense que le modèle a été maintenu. Merci beaucoup, Alain Pompidou. Par la bibliothèque nationale. Mais bien sûr que ce modèle a été maintenu, mais moi je n'ai plus le temps de maintenir l'antenne, hélas. Votre ouvrage, Claude, est publié chez Flammarion. Quant à vous, Guillaume Perrault, merci beaucoup d'être venu. Vous avez un livre qui va bientôt sortir chez Plon, Conservateur, sois fier.